J'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. C'est Laetitia, bonjour et bienvenue. C'est Laetitia, bonjour. La C'est Laetitia, nous entend. Bonjour, shalom. Le frère Yannick très de bien, Paris. Bon. Sur 5. Voilà. Le frère Yannick de Paris, bonjour. Bonjour. Comment tu bonjour, vas? Comment tu vas ce matin? Bien, bonjour. Par la grâce de Dieu, ça. Amen, amen. La sœur Julie Gabo, bonjour, du côté de Viry Châtillon. Bonjour à tout le monde. Ton mari n'est pas là aujourd'hui, il travaille aujourd'hui. Oui, il travaille. Il vous envoie bonjour. Ouais, de toute façon, quand tu salues déjà, c'est lui, les deux qui ont une seule chair. Le frère Guy Richard, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? La grâce de Dieu. Amen. J'ai comme l'impression qu'il y a une petite soucieuse. Voilà. J'ai comme l'impression qu'il y a une petite soucieuse avec les connexions. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Tout le monde m'entend? Oui. La soeur Kelly, bonjour. On t'entend. Ok. La soeur Kelly, bonjour. Salam, bonjour. La soeur Paul Gertrude, bonjour. Bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Si à la maternelle, c'est toi, tu fermes, tu trouves le micro. Amen. La séquette, c'est bonjour. Alors, la séquette, c'est bonjour. La sœur Kétia, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, il y a toujours un retard chez toi. Le allô. Oui. Bonjour. Bonjour. Le frère Pierre Moi, bonjour. Shalom, shalom à tous, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Bonjour, frère. Amen. Amen. On va au-là, on va de quel côté maintenant? On va... La sœur Sandra Kazimi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. On dirait la fille, on dirait la fille de ma bien-aimée sœur Claire Ando. Vous voyez comment elle lui ressemble, non? La sœur Flora, bonjour. Bonjour frère Junior. Comment vous allez? Bonjour à tout le monde. Ça va par la grâce de Dieu. La sœur Esther Diane, bonjour et bienvenue. Je crois que son micro doit être fermé. Ou bien... Bonjour, bonjour frère Junior. Voilà, je crois qu'on va passer un bon moment ce dimanche-ci. Oui, je pense qu'il est bon là. Ok, oui. Ok. Mm-hmm. Le couple Achille, des côtés de l'île Maurice, bonjour. Bonjour, frère. Non, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. La France dans la sainteté, 1e édition, bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, je vous salue tous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Comment vous allez aujourd'hui? Amen. Amen, amen. Je suis à votre service. Je crois que j'ai fait le tour là. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. J'ai pas oublié quelqu'un. Si j'ai oublié quelqu'un, que la personne fasse. Là, c'est Laetitia. Oui, on a déjà salué là. Alors. Alors, je suis à votre service ce dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? La sœur Sandra Kazimi, as-tu des questions? Bienvenue, tu es la nouvelle là, du groupe. Oui. Merci, je vous attends de commencer. Sandra, tu n'as pas mis ton, tu n'as pas mis ton vie, ta vidéo. Oui, le frère Achille. Vous m'entendez? Allô? Oui, frère, frère, parle. Ok. Donc, ma question, c'est au niveau de Apocalypse 5. Apocalypse 5, c'est dit là, on dit celui qui est assis sur le trône. En fait, j'ai résumé, hein, parce que j'ai écrit avant de pouvoir poser la question. Parce que celui qui est assis sur le trône a l'adoration des 24 âmes et des 4 êtres qui sont au milieu autour de lui. Par exemple, si on lit là, Apocalypse 4, de 9 à 10, si je lis un peu, Apocalypse 4, on dit quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action et de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant que notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir et nous, et puisque tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées. Maintenant, ensuite, quand dit l'agneau, dit d'ouvrir le savoir, l'adoration des 24 vieilles et 4 êtres. Si on va dans Apocalypse 5, 8 à 12, je dis Apocalypse 5, verset 8 au verset 12, on dit quand il eut pris le livre, 24, les 4 êtres se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenant et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour les hommes de toutes tribus, de langues et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et régnons et je regardais la voix de beaucoup autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur des milliers. Ils disaient d'une voix forte, la gloire et la louange. Quelle est la différence justement entre l'être qui est assis et les quatre vieillards? Parce que je sais que Dieu ne partage pas sa gloire. Or, si ils ont adoré l'agneau et ils ont adoré ceux qui le trône, ça a été Dieu. Non. Justement, quelle est la différence entre les deux? On se prend de ça en fait. C'est ça ma question. Alors, merci frère pour la question. Mais j'ai comme impression qu'il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parce que les images sont figées là. Je ne sais pas si vous avez le même problème. C'est découpé là, on ne t'entend pas bien. Voilà. Il y a un bruit chez... Il y a les enfants qui jouent chez le frère Achille. Oui, j'ai coupé le micro. Maintenant, les autres, vous m'entendez? Alors, du côté de Vigie Saturne, la soeur Julie, vous m'entendez? Oui, j'entends, frère, j'entends. Je crois que la connexion. La sœur Sandra, tu es là? Oui, je suis là. Bah, on ne voit pas ta vidéo. Quand il n'y a pas de vidéo, je ne voudrais pas parler pour me répéter. C'est pour ça que je prends soin de vérifier si les gens sont là. Pour que je puisse parler, parce qu'il ne faudrait pas que je parle et que quelqu'un dit qu'il n'entendait pas. Je vais mettre ta vidéo, la sœur Sandra Casimir. Qui d'autre là? La sœur Kétia n'a pas mis non plus sa vidéo. C'est bon? Ce n'est jamais bon, même moins un. La sœur Yolande Biche, bonne arrivée. Merci, bonjour. Tout juste fraîchement là, on n'a pas encore commencé, d'accord, on est encore au préliminaire des aux salutations. Toi également, on ne voit pas ta vidéo. La sœur Diane Esther, sa vidéo est renversée, c'est comme si elle a la cuisine. Elle a peut-être mis le téléphone dans le plat. D- Donc, il y a les sœurs Sandra et Yolande dont on n'a pas la vidéo. Mais il faut que je vérifie que vous tous vous m'entendez. La sœur Laura, tu m'entends? Si tu m'entends, tu fais comme ça. Alors, vous voyez, la sœur Laura ne bouge pas, donc j'ai comme l'impression que vous avez du mal à m'écouter. Le frère Guy Richard, tu m'entends? Tu m'entends? Si tu m'entends, tu fais comme ça. J'entends frère Junior. Oh là là, c'est pas vrai. Le frère Pierre, c'est bon. Le frère Pierre, au moins je vois sa vidéo bouger. C'est bon, c'est ouais. Bon. Je t'entends bien. Ok, ok, ok. Et vous me voyez aussi, n'est-ce pas? Non, par contre, je te vois pas. Wow. Mais je vois les autres. Mais les caméras, c'est bon, la vidéo est bonne. Oui, c'est bien. Ça veut dire que la connexion, c'est de mon côté, il y a le problème de connexion alors. Vous permettez donc que je ferme et je relance, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Je veille sur mes yeux. Je veille sur tout ce que je regarde. Je veille sur mes yeux. Je veille sur tout ce que je regarde. Que la crème de l'éternel soit sur vous. Que la crème de l'éternel soit sur vous. Que la crème de Dieu, que la crème de l'éternel soit sur vous. Et que la crème de l'éternel soit sur vous. Je veille sur mes yeux. je dessine tout ce que je regarde. Que la crème de l'éternel soit sur nous. Que la crème de l'éternel soit sur nous. Que la crème de Dieu, que la crème de l'éternel soit sur nous. Que la crème de l'éternel soit sur nous. Nul là, c'est Loris. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. La sœur Bibi Jolane, bon, bienvenue encore. Là maintenant, tes voix, Saint Sucin. Merci. Bonjour. Je crois que les autres te voient. La sœur Loris, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour, shalom à tous. Hein. Ah, tu n'es pas nul, j'ai d'accord. J'ai une petite heure tout simplement, pas beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je vais profiter. Donc, je vais quand profiter tu vas, de l'onction. Quand tu vas, quand tu vas sortir, tu sors niangalement en sous-marin, on n'entend pas, d'accord? Tu sors. D'accord, oui. Pas de souci. Voilà. Je crois que la connexion est relativement stable là maintenant. Je crois que c'est bien. Tout va bien maintenant. Demande de voir, ma frère. Oh là là, je sais pas ce qui se passe dans ces cas. Moi, je vous vois, pourtant, je vois. On le voit. C'est Avery Châtillon qui a un problème là. Vous me voyez, n'est-ce pas? Oui, on te voit. Voilà. Donc, c'est rendu du côté de l'île Maurice, on me voit. C'est bon, la soeur. Là, c'est joli, c'est bon, n'est-ce pas? Non, c'est pas bon. Même le frère dit Richard ne te voit pas. La soeur Yolande, tu me vois? Exact. Pas d'accord, pas du tout. Oh là là. Non, on ne te voit pas, mais on t'entend bien. Ben oui, c'est l'important, mon frère Pierre. Eh ben, ça va venir. Donc, à l'entrée, là, le frère, c'est pour ceux qui n'étaient pas là, le frère Achille posait la question concernant Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. Parce qu'il remarque que. La même louange, la même gloire, la même adoration est adressée en même temps à celui qui est assis sur le trône. Et on parle de l'agneau. Il se posait la question, qui était celui qui était là? Je ne sais pas si c'est dans la France, dans la sainteté, j'avais dit d'essayer de regrouper. C'est à vous, j'avais donné le devoir. C'est dans la France, dans la sainteté, n'est-ce pas? Oui, effectivement. D'essayer de travailler sur cette appellation, celui qui est assis sur le trône, celui-là. Vous avez travaillé, qu'est-ce que l'année est sortie? Vous êtes arrivé à quelle conclusion? En fait, j'ai commencé, hein, mais je me suis retrouvé bloqué parce que, justement, c'est cette interrogation qui m'a bloqué. J'avais commencé, et à chaque fois, j'ai dû lister, et bon, je me suis arrêté à ce niveau-là. En fait, je me retrouve que, à chaque fois, c'est Jésus-Christ. Hein. Il y a les celui qui correspond à Jésus-Christ, il y a les celui qui correspond à Dieu, il y a celui qui correspond à toute personne lisant ceci. Bon. Je crois qu'il y a des endroits où c'était le lion de la tribu de Juda. Mais ça se résume en fait à Jésus-Christ. Donc sur le trône là, finalement, il y a le lion, il y a l'agneau, il y a celui-là qui nous embrouille, ainsi de suite, quoi. D'après ce que tu dis. Qu'est-ce qui nous cherche, celui-là particulièrement? Qu'est-ce qui lui nous cherche? Justement, c'est ça que je veux comprendre. Parce que je sais que Dieu ne partage pas sa gloire. On ne peut pas adorer Dieu et adorer une autre personne. Donc si on adore, si les 24 vieillards ont adoré celui qui est le trône, c'est clair qu'ils ont adoré Dieu et c'est Jésus. S'ils ont adoré maintenant celui de l'agneau qui est digne d'ouvrir le livre, c'est clair que c'est Dieu et c'est Jésus. Bon, maintenant alors, pourquoi les deux sont là? En fait, je veux comprendre. Qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière? Ça m'embrouille un peu. Bon, sur le trône, donc, combien de personnes sont assises là-dessus? Une personne assise sur le trône. Je sais que ce n'est qu'une seule personne. Et, mais finalement, qui est là? Finalement, qui est? Qui est là sur ce trône? Qui? C'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui est Jésus-Christ. Mais c'est que ça règle le problème, non, frère? Bon, mais voilà, ça règle le problème. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les deux sont là. Puis après, on dit que ils ont donné maintenant, ils ont dit à celui qui était assis qu'il n'y a personne qui est digne d'ouvrir le livre. Oui. Maintenant, ils ont trouvé l'agneau qui est immolé, qui a été trouvé d'ouvrir le livre. Et il a pris, je sais pas, dans la main, et puis on lui a aussi fait l'adoration aussi. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Mm-hmm. C'est ça qui m'embrouille. Ok, donc il y a un problème que l'agneau vient prendre le livre entre les mains de la personne qui est assise sur le trône. Exactement. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Il y a deux personnes qui lisent là, ils pleurent, ils disent que waouh, voici justement là où on voit deux personnes, n'est-ce pas? Parfait. Chapitre 1 des Révélations, chapitre 1. Assez pour jeter, tu nous entends, nous sommes dans Apocalypse chapitre 1. En fait, la traduction du livre Apocalypse, le nom Apocalypse n'a pas de place parce que c'est pas un événement apocalyptique qui est annoncé là-bas. C'est un livre de révélation. Donc, normalement, le titre de ce livre devrait être la révélation de Jésus-Christ. D'accord? C'est pas d'où ils sont sortis avec Apocalypse là. Allons-y au chapitre 1. Si tu y es, tu lis le chapitre 1, le verset 1 et 2. Apocalypse ou bien révélation, chapitre 1, verset 1. Oui. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Voilà. Alors, recommençons encore, verset 1 encore. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole. Le verset 1 seulement. Alors, qu'est-ce que tu lis dans le verset 1 du chapitre 1 des Révélations? Je lis que c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné pour montrer au serviteur ce qui doit arriver en fait. C'est-à-dire la révélation de Dieu. Bon. Que veut dire révéler? Que veut dire révéler? La Céloris, il y a les bruits chez toi. Si tu peux fermer ton micro, comme ça tu suis avec l'onction comme tu cherchais là. Que veut dire révéler? Il est venu montrer ou bien mettre en lumière ce qui était voilé. Voilà. Et là, il est question de révéler qui? Il est question de révéler justement Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'avec cette compréhension, ça pose déjà problème. Parce que ça veut dire qu'en fait, il est venu sur la terre. Ça suppose donc que depuis Matthieu jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, ça veut dire qu'en réalité, on ne connaît pas vraiment qui il est. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Parce que s'il faut oui. le révéler, ça suppose que lui, il est toujours un mystère. Parce que c'est le mystère qu'on dévoile. De révéler, ça veut dire qu'on dévoile, on ouvre un voile. Comme quelqu'un était derrière le rideau, on ouvre le rideau pour qu'on voit qui il est. Exactement. Alors, ouvrons 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Parce que si tout un livre lui est consacré, on introduit le livre là en disant que ça, c'est le livre, c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Le livre de la révélation de Jésus-Christ. Donc, la Bible, ce livre-là, cet écrit-là, a pour but de révéler Jésus-Christ, donc de le dévoiler. Ça veut dire que mes chers frères et sœurs, on ne le connaissait pas vraiment. En lisant les évangiles, vous allez voir l'ambiguïté. Donc ici, ça veut dire que le livre de dévoilement de Jésus-Christ doit dévoiler qui il est. Au sorti de là, vous allez savoir qui il est, effectivement. On y va. 2 Corinthiens 5, les versets 15 et 16. 2 Corinthiens 5, les versets 15 et 16. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire là? Il dit que là, on ne doit plus vivre que pour Jésus. Et si on a connu Jésus selon la chair, on ne doit plus le connaître de cette manière. Autrement dit quoi? Il dit qu'on doit connaître Jésus d'une autre manière. En fait. D'une autre manière. Il veut dire le Jésus qui a marché sur la terre, c'est son humanité, c'est une autre personne que vous devez voir maintenant. Et effectivement, si vous avez lu Apocalypse, vous avez remarqué que à partir du chapitre 1, quand Jean va finir d'introduire son livre comme ça, la Bible déclare que quand il va voir, allons dans Apocalypse chapitre 1, on va y revenir. Gardez ces 2 Corinthiens chapitre 5 en esprit, le temps qu'on lise Apocalypse chapitre 1. Vous y êtes? Lisons à partir du verset 9. Apocalypse 1, verset 9. J'espère que tout le monde... Attends, mon frère, j'espère que tout le monde y est. Apocalypse, c'est le dernier livre. Tout le monde y est, n'est-ce pas? Ta soeur Yolande, tu y es? Plus ou moins. Plus ou moins, c'est-à-dire que c'est entre les deux, quoi. C'est-à-dire que tantôt tu es en Apocalypse, chapitre 1, tu es encore en route pour Apocalypse, chapitre 1. Voilà. Et chapitre 1. Oui, tu y es déjà, n'est-ce pas? Oui. Oui. N'oublie pas, après, toi et moi, on doit parler, d'accord? D'accord. Après l'enseignement, on doit parler. Voilà, chapitre 1, à partir du verset 9 maintenant. La sœur Sandra Casimir, on ne voit toujours pas ta vidéo. Tu n'as pas ouvert avec la vidéo. Allons-y, mon frère. Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Et suivant. Moi, Jean, votre frère et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le flux de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. » Non, c'est bon. On y va doucement, d'accord? Donc, lorsque cette personne, il y a un bruit de fond, il ne sait pas qui a le premier quelque part là. La sœur Loris, coupe ton micro. Lorsque Jean entend cette voix là qui lui parle, la Bible déclare que le bruit de sa voix était comme une trompette. Ça tournait comme une trompette. C'est une personne qui parle. Mais il entend comme une trompette. Ça, c'est un. Des deux, dans ce verset 9 jusqu'au verset 17 où tu t'es arrêté. La Bible parle de la septuple gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, du moins, jusqu'ici, on n'a pas encore introduit que c'est lui dont il est question. Maintenant, une chose se pose. Il dit qu'il s'est retourné pour entendre la voix. Il n'a pas dit qu'il s'est tourné pour considérer la personne qui parlait. Il se tourne pour voir plutôt la voix. Ah, quelle voix! La voix. Vous y êtes? Amen. Quand il se tourne pour voir la voix qui lui parlait, c'est ça qu'il dit, non? Oui. Il veut voir la voix qui lui parlait. Il se tourne, il voit une personne, il commence à donner la description. Il a commencé depuis ses pieds, montant jusqu'à sa tête. Et là, il est étonné. Il est tombé comme mort. Souvenez-vous de la personne qui est en train de décrire. La personne qui est en train de décrire, c'est cette personne qui était tenue là, en cette soirée-là. La soirée qu'on devait le livrer, il était couché sur sa poitrine, constamment. Sur sa poitrine, il était couché sur sa poitrine. Pour lui transmettre l'amour, pour que le message de l'amour du peuple. Et c'est cette personne-ci à qui on avait demandé, l'apôtre Pierre et les autres avaient demandé à Jean, quand le Seigneur avait dit que l'un de vous va me trahir ce soir, ils avaient demandé à l'apôtre Jean de lui demander, puisqu'il était le plus proche à le Seigneur, en fait, il était couché sur sa poitrine constamment. Ils ont demandé au Seigneur, à l'apôtre Jean, de demander lui de qui il est question. Cette personne-ci, c'est une personne qui, quand l'apôtre Paul, quand Jésus était sur la terre, il s'est couché sur sa poitrine. Mais ici, il le voit, la Bible dit quand il l'a vu, il est tombé comme mort. L'apôtre Jean, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15 et 16, que si nous connaissions quelqu'un dans la chair, nous ne connaissons plus quelqu'un. Et même si nous avons connu Christ, c'est Christ-là que nous avons connu quand il était sur la terre, ce n'est plus de la même façon qu'on le connaît maintenant. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul en train de nous dire? C'est Christ qui est revenu dans la gloire. Et le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 16, qu'il faut qu'il retourne, il est sorti du sein du Père. Il faut qu'il s'en retourne au Père. Il est sorti du sein du Père. je crois que nous avons travaillé ce sujet, traité ce sujet dans l'Allemagne de la sainteté. Vous allez voyager là-bas avec avec l'Allemagne. Je ne vais pas vous donner l'avant-goût. Il faut que vous allez écouter cela. Ce voyage-là, on est entré jusqu'à entrer dans la lumière où il habitait. D'accord? Il habite tout simplement une lumière. Vous allez écouter cela. Ça, c'était pour eux. Maintenant, on va glisser dans une autre direction. C'est la sœur Ophélie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, frère Junior. Bonjour, tout le monde. Oui, on va seulement le cocotier là-bas à côté. Je ne sais pas si c'est à Tanger ou c'est où là. Ou c'est à Dadik, Agadir. On ne te voit pas. On ne te voit jamais. Les sœurs ne te voient pas. Tu as dit qu'on ne te voit pas. Ton image. Bon. C'est une nuance de délices. Alors, ici, l'apôtre Jean voit cet être-là qui est tellement glorieux. Les septuples gloires. Septuple gloire. C'est-à-dire que les sept descriptions qui montrent sa gloire sont décrits ici. Et ici, nous voyons cette personnalité-là se présenter là au point où il y a des bruits chez la sœur Ophélie, chez la sœur là. Et il y a au point où l'apôtre Jean se prosterne. Il ne se prosterne pas par de lui-même, mais c'est cette gloire-là qui le pousse à automatiquement se prosterner devant le roi des rois. On va y arriver tout à l'heure, on va partir voir dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. La Bible déclare au verset 17 donc là que quand il le vit, il tomba à ses pieds comme mort. Gardez-vous bien ceci à l'esprit, parce que lui il est de chair et cette tête-là est de la gloire. Puis là, à cet instant-là, l'apôtre Jean décrit qu'il posa sa main droite. Il ne parle pas n'importe quel style de main, sa main droite sur moi en disant, ne crains point. Là maintenant, nous posons un problème. Un problème se pose. Qui lisait ça tout à l'heure là? C'est moi. Voilà. Frère, c'est toi qui lisais. Je veux que tu lises le verset 16. D'abord. Apocalypse 1, verset 16. Oui. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voilà. Maintenant, encadrer la main droite dans le verset 16. Si vous avez encadré, maintenant on va lire maintenant. Verset 17. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Voilà. Maintenant, encadrez sa main droite dans le verset 17. Et tout naturellement, je vous pose mes questions que j'aime poser. Si vous avez encadré, je vous pose la question. Je peux y aller. Il peut y aller, mes frères. Oui. Maintenant, vous me voyez, n'est-ce pas? Tout le monde, vous me voyez déjà? Non. Ah, ben c'est mieux alors. Ça veut dire que c'est avec le frère Haché dont je cause. Alors, on se voit. De toute façon, vous m'entendez. Si vous m'entendez, c'est bon. La sœur Laetitia m'entend, me voit aussi. Voilà, la sœur Laetitia, elle ne me voit pas. Mais moi, je vous vois. L'important, c'est que je vous vois. Écoutez cette voix comme Jean lui a entendu la voix. Maintenant, écoutez. Le verset 16 parle que lorsque Jean s'est tourné, il a vu que cet être-là tenait dans sa main droite sept étoiles. Il y en avait sept étoiles dans ses mains. Maintenant, au verset suivant. Quand il est tombé mort, il posa cette main droite sur lui pour lui dire ne crains point. La question que je vous pose tout naturellement, c'est que où sont parties les sept étoiles? Quelqu'un a-t-il une réponse? Les sept étoiles étaient toujours dans sa main. Donc il a appuyé ça sur Jean, quoi. Il a appuyé ça dans le corps de Jean. Et les étoiles qu'il avait dans ses mains, ça voudrait dire quoi? C'était les sept églises ou quoi? Non, c'est la question que je vais te poser. Tu me poses encore la même question. La question dont je pose, donc, c'est les sept étoiles, donc, c'est quoi dans ses mains? Sept étoiles. Le frère Guirisha, quand tu parles bien au micro, parce qu'on ne t'entend pas du tout. C'est une expression qui dit que ces étoiles lui appartiennent en fait. Non, ça c'est clair que ça lui appartient parce qu'il était dans sa main droite. Il dit non, ça lui on dit quoi les étoiles? Ben, moi je dirais que ça représente les sept églises. Bon. Bon, qu'est-ce que les écritures disent? Merci ma soeur Gertrude. Allons au chapitre 2. Non, le chapitre 1 toujours là. Lisez le verset 19 et 20. C'est Gertrude, tu peux lire le verset 19 et 20? Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Lis ça, maman. Quand je vis, quand je dis je tombais à ses pieds comme mort, non, il posa sur sa les, les versets 19 et 20. Écris dans les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les étoiles sont des anges des sept églises et les sept chandeliers sont des sept églises. Voilà. Donc la Bible en plus bas définit ce que Jean a vu là, à l'intérieur de la main. Où est-ce que je suis en arrivé? Je suis en voulant arriver à un niveau où, lorsqu'on voit la vision, c'est différent de lorsqu'on le voit dans la réalité. Quand vous imaginez une étoile, imaginez dans, le, dans la constellation là, la sœur Ophélie, il faut couper ton micro. La sœur Ophélie, coupe ton micro. Voilà. Lorsque vous voyez dans la constellation, dans, le, dans l'univers, vous voyez l'étoile, vous voyez que quelqu'un a tenu 7 de cette étoile-là dans, ses pommes, dans sa paume de main. Imaginez quelle grosseur sa main doit avoir d'abord. Puis ici, il dit, l'étoile que tu as vue représente quoi? Les anges des sept églises, c'est ça, n'est-ce pas? Et les chandeliers sont les sept églises. Et donc, et ça veut donc dire que ce sont des êtres humains qu'il a utilisé pour les sept dispensations de l'église, c'est ce qu'il a dit. Vous avez moi là? Oui. Ok. Donc maintenant, il est tenu entre ses mains. Ça suppose que Jean a vu une vision. On lui donne l'interprétation de la vision qu'il a vue. Or, entre verset 16 et le verset 17, on voit que quelque chose s'est passé dans ses mains. La vision qu'il a vue dans ses mains, lorsqu'il pose la main sur lui, il n'y a plus quelque chose dans ses mains. Pourtant, c'est la même main. Gardez-vous à l'esprit la question qu'on veut répondre. Pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, il est dit que une personne, l'agneau s'est levé et allait prendre le livre qui était là-bas. Et cet agneau-là a été là immolé. C'est un problème déjà, le problème là. N'est-ce pas frère? Et cet agneau-là était là immolé avant la fondation du monde. Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Et l'agneau est là pour l'intercession. Pour ceux qui l'ont cité à qui au chapitre 5 déjà, d'Apocalypse là. Si vous ne me comprenez pas, vous me dites, je dis autrement. Il dit, il était là à cet instant que Jean pleurait pour l'intercession. N'est-ce pas, frère? Il se lève de ce trône-là, ça montre que l'intercession est terminée. N'est-ce pas, mes frères? Il vient prendre le livre pour dévoiler maintenant les mystères de Dieu. Ça suppose donc qu'il entre dans une autre dimension de révélation, de sa révélation à son peuple par rapport à ce qui était caché. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. Et vous comprenez ce que je viens de dire? L'agneau, sa place sur l'autel, c'est pour intercéder. Ça, il est là jusqu'à ce que la totalité entre. Il faut que l'agneau soit là. Si je comprends très bien, ça veut dire que il y a deux personnes sur le trône. Une personne physique et une personne qui n'est pas physique, en fait. Voilà. Une personne physique qui intercède et une personne qui n'est pas physique qui représente la même personne. Romains chapitre... Non, c'est bon. Garde ta question également à l'esprit. Romains chapitre 8. Lisez le verset 26. Je crois que la sœur Yolande y est. J'espère qu'elle y est, ou bien plus ou moins. Romains 26. Non, Romains chapitre 8, le verset 26. Lis alors la sœur Yolande. Alors, Romains chapitre 8, verset 26. Alors, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est bon. C'est bon. Mon frère Pierre, tu disais que celui qui était physique intercède auprès de celui qui est esprit. Bon, et ici, qu'est-ce que tu en dis donc? Non, c'est par rapport au trône, en fait. C'est-à-dire, comme... Sur le trône, on voit, on parle de l'agneau et de le, Et celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône. Et en même temps, on parle de l'agneau qui intercède. Donc, pour moi, on a l'impression qu'il y a deux personnes, en fait. Mm-hmm. On a l'impression qu'il y a deux personnes, mais deux personnes, et que une personne est visible et l'autre n'est pas visible. Celui qui est visible est assis sur le trône. Mon frère Pierre. Frère Pierre. Je ne sais pas très bien, peut-être le Saint-Esprit. Frère Pierre, peut-être poser la question, n'est-ce pas? Il te pose d'abord une question. Concernant Romains chapitre 8, verset 26, que nous avons lu là maintenant, le Saint-Esprit, lui, il est où? Parce qu'il est écrit que c'est l'Esprit qui intercède maintenant en notre faveur. L'Esprit, là, il est où? Il intercède comment? Initialement, quand vous étiez dans des églises des Bruyères, n'est-ce pas, vous disiez que c'est quand on prie en langue que ça intercède, que c'est ça l'intercession? Ouais. Bon, maintenant, ici on se retrouve dans un problème. Tu dis que c'est il y a une partie de la personne qui est visible et la partie qui est invisible, ce qui est totalement vrai et c'est ce que la Bible révèle là-bas. Maintenant, la partie visible de cet être-là, comment se fait-il que ce soit l'agneau? Parce que Jean dit que c'est l'agneau, mais quand il s'est retrouvé, il a vu le lion. On va s'arrêter là-bas dans ce Apocalypse chapitre 5, on va vraiment parler. Lorsqu'il a pleuré beaucoup dans ce Jean, Apocalypse chapitre 5, il a parlé beaucoup de ce qu'il n'y avait personne qui était digne pour ouvrir le livre. Et puis ce vieillard-là, le prophète là, lui a dit, ne crains point. Il dit, le lion de la tribu de Juda, n'est-ce pas, a vaincu. C'est pas ça? Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais quand il s'est retourné, qu'est-ce qu'il a vu? Les gens dans la sainteté aujourd'hui, tout le monde jeûne. Je ne sais pas pourquoi les gens sont calmes comme ça. Vous m'entendez? L'agneau, quand ils sont retournés, il a vu l'agneau. Voilà, mais le prophète a dit à Jean que c'est qui? Le prophète qui parlait à Jean là. Quand il a dit, ce vieillard là, quand il a parlé à Jean, que ne crains point, ne pleure pas, car le lion, il dit, c'est le lion de la tribu de Juda qui a vaincu, n'est-ce pas? Mais quand il s'est retourné, il s'est retourné, il a vu quoi? Il a vu un mouton. Bon, maintenant je pose la question. Physiquement, c'est ce mouton-là qui s'est levé pour venir prendre le livre, mes chers? Non, c'est l'esprit. Donc c'est l'esprit qui était couché alors là-bas. En fait, si je comprends, c'est une manifestation de l'esprit, quoi, en fait. Voilà. Donc, petit à petit, on commence à avancer vers cette chose-là. En réalité, lorsque les gens entendent trône, ils essaient d'imaginer avec le style de trône que nous avons sur la terre, comme une chaise où on s'asseyerait comme ça. Et quand on dit, par exemple, que celui qui est assis sur le trône, il croit effectivement que Dieu est assis, comme nous sommes assis comme ça, là. Pourtant, Dieu est esprit, n'est-ce pas? Oui. Et on dit son trône est élevé au-dessus de toutes choses. Ah, je crois qu'on sera obligé de faire un détour dans ce que j'ai parlé dans l'Allemagne de la sainteté. Ouvrez d'abord Hébreux chapitre 1. Je vais aller vraiment doucement, doucement. Gardez à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui vient prendre le livre entre les mains d'une personne. Vous avez déjà remarqué, le temps que vous en ouvrez cela, vous avez déjà remarqué que dans l'Ancien Testament, vous ne verrez nulle part où on parle de Jésus-Christ comme il va venir juger. La Bible appelle dans tout l'Ancien Testament que c'est le juge de la terre, c'est Dieu, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, on commence à voir dans le livre d'Apocalypse et puis dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 24, où le Seigneur lui-même dit que le Père ne juge personne. Regardez bien ce qu'il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. À quel moment la transaction a eu lieu, où Dieu a changé désormais que c'est ça lui qui doit juger? Pourtant, dans l'Ancien Testament, il est écrit que c'est lui qui doit juger. Donc, au fur et à mesure, dans l'Ancien Testament, c'était voilé. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va nous dire dans Actes des Apôtres, chapitre 17, que Dieu a fixé un jour, il jugera les hommes. Ouais, regardez bien. Repentez-vous. Il dit que Dieu ne tient pas compte de tant d'ignorance. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez cela. Il dit, Dieu, quand il a fixé un jour où il, Dieu, jugera les hommes par. Vous voyez cela? Oui, Dieu jugera les hommes par. Par l'homme. Il jugera les hommes par l'homme. Qu'il a ressuscité les morts. À Villechatillon, il y a du bruit. Donc, vous voyez, ici, dans ce chapitre 17, l'apôtre Paul nous explique que Dieu va juger les hommes. Mais il dit que ce n'est pas le Seigneur Jésus qui va juger les hommes. Et là, quand vous faites la recherche, et comme je dis, maintenant vous travaillez dans celui qui est assis sur le trône, vous remarquez dans Apocalypse chapitre 20, justement, on va dire maintenant que quand le trône va se positionner, celui qui était assis sur le trône, le ciel se roulera de devant lui, n'est-ce pas? J'aimerais bien que vous remarquiez qui est, dans cet Apocalypse chapitre 20 particulièrement, qui est assis sur le trône. Les chapitres 20 et 21 sont, et on va y aller dans cet enseignement, si Dieu le veut, dans cette première partie, on va y aller si Dieu le permet. Donc nous trouvons... Oui, mon frère Pierre. Si je te comprends très bien, c'est-à-dire que le fait quand on parlait de assis, ça ne veut pas, c'est pas assis comme nous, ça sont vous remplacer par contrôle, n'est-ce pas? La personne qui est physique est qui vraiment contrôle. Assis. Mm-hmm. C'est-à-dire, au lieu de dire assis, on peut remplacer assis par contrôlé. Mais le problème, c'est que Jean a vu dans la vision que la personne était assise. D'accord? Pour que nous puissions percevoir dans notre dimension ce qu'on a envie de dire. C'est comme par exemple, on dit que Dieu est sur son trône. C'est parce qu'en représentation, c'est sur dans notre dimension, on voit les rois qui sont assis sur leur trône royaux. D'accord? Et donc là, vous dites, Dieu est esprit. Eh bien non. S'il est esprit et tout l'univers ne peut le contenir, dans ce cas, si on ne parvient pas à comprendre qu'il est Dieu, comment lui qui est Dieu parvient à s'asseoir sur son trône aussi, un trône aussi à lui qui est esprit? Je ne sais pas si vous comprenez. L'univers ne peut le contenir. Et ici, on est en train de le voir, quelqu'un qui est assis sur le trône. Là, c'est sans doute te voir maintenant. Tu es en train de faire des gribouillages sur ton téléphone. Maintenant, voici quelqu'un dont l'univers ne peut le contenir. Il remplit toutes choses. Et toutes choses lui sont assujetties. Mais là, se trouve, le voilà confiné dans un trône. Et là, les gens pensent que c'est impossible pour lui donc, d'être confiné dans une chair humaine. Chapitre 1 d'Hébreux, à partir du verset 1. Tu peux répéter, frère, s'il te plaît. Hébreux chapitre 1, que j'ai demandé d'ouvrir depuis le verset, à partir du verset 1. Hébreux 1, verset 1. Oui, et tout le monde dit, hein? Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité du Dieu d'un nom plus excellent que le leur. C'est bon d'abord, frère. C'est bon d'abord. Revenons dans la partie où il a dit, étant le reflet de sa personne, encore une fois de plus, allons-y. Dieu dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, allons-y. Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, oui, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, stoppons là-bas, étant stoppons, le... Stoppons là-bas, il y a un problème d'abord là-bas. Donc on dit que, un, Dieu a autrefois parlé à nos pères par le prophète, mais ces derniers temps, il a parlé par le Fils. Un, il a parlé par le Fils et qu'il a établi héritier de toutes choses, dont toutes choses lui sont soumises, comme Éphésiens chapitre 1 le dit. La traduction qu'il dit là-bas, c'est que cette personne-là, ce fils-là, c'est par lui qu'il a tout créé. Soulignez cette expression-là. Par qui il a aussi créé toutes choses. Maintenant, dites-moi comment vous comprenez. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette expression? Vous y êtes avec moi? Nous comprenons ici que Jésus est aussi Dieu, hein, parce qu'on dit par lequel il a aussi créé le monde. Donc, ça veut dire que les deux étaient à la création du monde. S'il peut y avoir séparation, mais comme il n'y a pas séparation, ça veut dire que Jésus c'est Dieu. Mais Dieu dit dans le livre des psaumes qu'il a seul créé, que le ciel et la terre, c'est lui seul qui l'a fondé, nul n'a été avec lui. Vous avez lu ça dans la Bible, n'est-ce pas? Seul il a étendu la terre. Seul il a étendu les cieux et nul n'a été avec lui. C'est lui le créateur, celui qui réclame de la création comme étant le créateur. Et il dit que personne n'a été avec lui. Et ça, ce n'est pas un pied d'achoppement alors, frère. Je pense qu'ici on parle de l'esprit. De quel esprit? L'esprit de Dieu, en mais, fait. Mais là, il a parlé de fils. Il a dit qu'il parle du fils. Si on a introduit comme ça le fils, pas vrai? L'esprit qui est dans le fils, en fait. L'esprit qui est dans le fils. Si, je ne comprends pas. La parole de Dieu. Laisse comme ça. La soeur Laetitia, c'est elle qui t'embrouille comme ça. Dans ma soeur Laetitia, ça pose la question. Tu ne comprends pas quoi? Je ne comprends vraiment pas. Est-ce que ce n'est... Parce qu'on dit... Est-ce que ce n'est pas la parole, donc? La parole qui s'est faite chair. Parce qu'on dit... Quand on dit par lequel, il a aussi créé le monde. Uh-huh. Maintenant, le problème, c'est qu'ici, on parle de « il ». Là, tu as parlé de la parole. Maintenant, le féminin. Parce que naturellement, on va y aller. Puisque au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, la parole. Mais ici, dans ce livre, il y a un enfant qui pleure, je crois, c'est Avili Châtillon. Lorsqu'on a des délits, ici, dans Hébreux chapitre 1, il dit que c'est par le Fils qu'il a aussi créé le monde. C'est pas ce qui est écrit là. C'est ça. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 7, la Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Et lui ici étant maintenant pour le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? La sœur Julie, veille fermer ton micro, il y a le bruit chez toi. Alors je pose la question ici, il est question de la création du monde que Dieu a fait par le Fils. La sœur Julie, veille fermer ton micro. Que veut dire donc qu'il a créé le monde par lui? Écoutez bien l'expression, c'est ça le vrai problème. Initialement, j'ai cité le livre l'Ancien Testament en disant que dans l'Ancien Testament, il était question que c'est Dieu qui juge le monde. Puis subitement, Jésus dit dans Jean chapitre 5 que le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Et l'apôtre Paul dit dans Apocalypse chapitre 10, non, dans Actes chapitre 17, que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme. Regardez encore l'expression là. Et ici on dit qu'il a créé le monde par le Fils. Qu'est-ce qu'il a dit par le Fils? Voilà le vrai problème, c'est ça. Dès qu'on va comprendre ça, ça va régler le problème. Qui veut dire créer le monde par le Fils? Pourtant, quand nous lisons la Genèse, nous lisons tout simplement qu'il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Vous voyez cela? Et l'Esprit, le Seigneur se mouvait sur toute la terre. L'Éternel dit, la Bible déclare, Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Pourtant, on entend Dieu parler. Et on dit que c'est la parole qui en est décrite. Alors, qui veut dire par l'expression le monde sera jugé par le Fils ou bien par l'homme que Dieu a donné, par l'homme que Dieu a ressuscité des morts, ce dont il a donné une preuve, c'est en le ressuscitant des morts. Et ici, dans ce livre d'Hébreux, chapitre 1, il dit que le Fils étant l'expression même du Père. Vous voyez cela, il est l'expression du Père, l'empreinte, il est son empreinte. Et ici, l'expression qui vient qu'on s'attend, c'est par lequel il a aussi créé le monde. Qu'est-ce que vous en êtes de comprendre par il a créé le monde par lui? Vous êtes là, mes frères? C'est un mystère, frère. Oui, là, c'est mieux qu'on se cache. C'est un mystère, et c'est un mystère. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, on a dit que comme c'était un mystère, on a dévoilé là-bas. On dévoile là-bas, on va dans le mystère. Si le mystère est dévoilé, jusque-là, ça crée problème. C'est qu'il faut encore dévoiler le dévoilement, alors, ou quoi? Verset 3 de Hébreux 1. Qu'est-ce que ça dit? Étant et qui? Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les très hauts lieux. Voilà. Alors maintenant, voilà autant de choses. On pourrait passer toute une journée ici dans ce livre d'Hébreux là-bas maintenant. On dit, et qui étant le reflet de sa personne, de sa gloire, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Qu'est-ce que vous comprenez par ces expressions parlant du Seigneur Jésus? Vous voyez qu'en réalité, beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas le Jésus dont ils sont desservis. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Apocalypse chapitre 1 que nous avons lu tout à l'heure, où on parle de ses pieds comme c'était les reins polis, ainsi de suite. On peut prendre ça comme les amateurs de Jésus noir, Dieu noir, les anges noirs peuvent faire pour chanter cela. Et puis parler de n'importe quoi le concernant. Mais lui, on ne le connaît pas. Vous pouvez le peindre en noir, en blanc ou n'importe quoi. Mais il est esprit. Si on ne connaît plus Jésus que de cette façon-là. La question que je pose maintenant, c'est est-ce que vous savez vraiment la majesté de la personne qu'on sait? Donc vous voyez que les choses qui sont de l'autre côté là, on a essayé de mettre dans cette Bible-ci avec notre langage et puis les choses que notre environnement peut percevoir, pour que notre cerveau puisse percevoir, jusque-là on est embrouillé. On dit ici que Jésus-Christ est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et on dit de lui que c'est par lui, par le Fils qu'il a créé toutes choses. Et toutes choses lui sont soumises. On arrive vraiment doucement. Alors quand on lit dans la Genèse, où est-ce que se tient le Fils ou comment est-ce que Dieu est en train de créer au travers du Fils? Et comment il va encore juger le monde? Parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui va juger, car chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Maintenant, dans le chapitre 20 d'Apocalypse, on dit que celui qui était assis sur le trône, le ciel s'est déroulé devant lui, a disparu comme un vêtement. Au chapitre 21, on dit celui qui était assis sur le trône, il dit, voici, j'ai créé toutes choses nouvelles. N'est-ce pas, mes frères? Donc, sur le trône de jugement, comme on voit dans Apocalypse chapitre 20, là, qui est assis là-bas pour juger? Puisque Jésus a dit dans Jean chapitre 5 que le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Qu'est-ce qu'il en a dit? Et l'apôtre Paul lui dit, il jugera le monde par le Fils. Jésus dit qu'il ne juge personne, le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Donc vous voyez que ce n'est pas en tant que Père que Dieu va juger, c'est en tant que Fils qu'il va juger. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Parce que si quelqu'un ne reçoit pas sa parole, il a son juge, la parole, qui viendra juger. Donc si je comprends bien, la connaissance de Jésus physique est la clé de tout jugement alors en fait. Jésus, homme, servait d'intercession. Jésus, esprit, est Dieu. C'est choquant, n'est-ce pas? Oui. Allons dans le livre de Jean. Chapitre 16. Si vous allez à Jean chapitre 16, quelqu'un lit les versets 27 et 28. Et puis il va encore vous poser des questions. Jean, le chapitre 16, versets 27 et 28. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Voilà. Maintenant, on a beaucoup de choses à faire ici maintenant. Mon frère Pierre, relis encore le passage là. Car le Père lui-même aime. comme mon frère là. Il ne va pas bien. Allô, mon cher frère. Oui, je dis là. Oui. Je suis sorti. Non. Je suis sorti du. Verset 27 d'abord. Oui. Verset 27. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Soulignez l'expression « je suis sorti de Dieu » dans le verset 27. L'expression « je suis sorti de Dieu » et dans le verset 8, « je suis sorti du Père ». Puis, en dernier lieu, l'expression « je vais au Père ». Voilà, vous avez souligné maintenant. À l'heure où il parle, pendant qu'il a de parler ces choses à ses disciples face à face, où se trouve le Père? Frère, est-ce que ça ne rejoint pas la parole où il a dit que je suis dans le Père? Tu as posé la question, réponds tout simplement. Là, tu as posé la question. Oui, je sais qu'il a dit que je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà. Donc les deux ne forment une seule personne. Ça, c'est bien. Maintenant, ça veut dire qu'à l'instant où il est de parler, physiquement, il y a les êtres humains qui le regardent comme vous me regardez, ou mieux comme je vous regarde là, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, dans le chapitre 14, puisque c'est dont tu en es de parler, c'est tout dans le chapitre 14, verset 10. Lisons les versets 8, 9 et 10 du chapitre 14. Qui va alors lire? Le frère Yannick, je ne sais pas si son micro est bon. Bon, Jean 14, versets 8, 9 et 10. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les choses, qui fait les œuvres. » Fin de citation. Alors, de façon claire, de façon droite, lorsque Jésus est sur la terre, où se trouve le Père? Je veux que vous me répondez. Le Père se trouve en lui. Dans son sein. Bon, là, quand vous priez donc qui finalement? Dieu. Qui? Oui, Jésus. On prie le Père en Jésus. Bon, maintenant, quand vous dites, par exemple, quand vous finissez de prier, vous dites, bon, quand vous dites, Seigneur, fais de moi comme tu veux, au nom de Jésus. Ah, mais quand vous dites au nom de Jésus, là, quand vous pensez que vous en avez fait quoi? Juste quand vous priez, quand vous finissez de faire votre prière, et puis vous dites au nom de Jésus, vous le faites par récitation, vous comprenez même ce qu'il en a de dire, que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Quand vous entendez cela, c'est ici dans cette. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi. Quand vous entendez toutes ces expressions, vous comprenez qu'il en a dit quoi au juste. C'est-à-dire qu'il y a le Père dans une chambre comme le grand secrétaire, le grand directeur, et il est le secrétaire. Pour aller voir le Père, vous toquez, pam, pam, pam. Jésus, oui, je suis venu voir le Père. Il dit, entre, il est là derrière. Vous pensez que c'est ça, mes chers frères? Non. Je ne parle pas à ça. Frère, je pense que c'est des caractères différents, en fait. Caractère fils, caractère père, en fait. C'est la même personne, mais avec des caractères différents. Est-ce qu'il est sacrificateur pour acheter pour Dieu plein de saints? Donc, alors, je repose encore la question. Donc, vous dites avec certitude, plus sûr que la sûreté et plus véridique que la vérité, que quand Jésus était sur la terre, le Père était en lui. Oui, le Père était en lui. Le Père est en lui. Oui. En tout cas, on ne peut pas dire le contraire. C'est lui-même qui ouvre sa bouche pour dire que le Père qui demeure en lui, il tabernacle en lui. N'est-ce pas? Exactement. Là, je vous pose la question que vous me posez souvent, de façon indirecte. Quand Jésus priait, il priait donc qui? Le Père. Je pense que c'est écrit dans Jean 16. le verset 27. Non, le verset 26. En ce jour, vous demanderez en mon nom, je ne vous dis point, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, je vous assure que je suis issu de Dieu. Donc, en fait, tu avais dit que ceux qui ont des enfants, fermez vos micros. Il y a des enfants qui sont de faire du bruit. Ceux qui ont des enfants, fermez les micros. Oui, mon frère, parle. Comme en fait, Jésus disait que vous allez prier en mon nom. Et il ne vous dit pas qu'en ce moment-là, il priera pour nous. Donc, comme tu avais dit, Jésus physique, c'est lui qui intercède. Et quand c'est comme si on reconnaît que maintenant Jésus est, c'est lui en nous qui intercède, en fait. Donc pendant que je prie, oui, attendons, est-ce que vous avez compris ce que le frère Guy Richard a dit? Vous avez suivi ce qu'il a dit? Non, non, pas du tout. Frère Guy Richard parle bien dans le micro, c'est toi, c'est tu le seul qui parle et puis on n'entend pas très bien. Je redis le verset 26. Oui. De Jean 16. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis point que je prierai le Père pour vous. Verset 27, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis ici. Je suis celui qui intercédait. J'avoue que ça, je n'entends pas. Je ne sais pas si vous entendez moi. Ça connaissait n'est pas bon, n'est-ce pas? Vous m'entendez ou pas? De temps en temps, on t'entend. La, ta, connexion, ta connexion est comme celle de Ngoudi Bakoko. Bon, le frère Guy Richard, quoi que tu vas revenir, le temps, on prend une autre personne pour que le temps que ta connexion se rétablisse. Le frère Haché, tu voulais parler ou bien le frère Pierre? Oui, oui. En fait, moi, je pense que Jésus est venu nous montrer, s'il est le Père, si le Père est en lui, ce qu'il est venu nous montrer, le chemin, en fait. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout ce qu'il faisait, même quand il disait qu'il priait le Père, en fait, il nous montrait comment il fallait prier, en fait. Oui. Donc, en réalité, c'est pas pour lui, c'est pas par essence pour lui-même qu'il devait prier. C'était l'enseignement qu'il le faisait. Exactement. Ok. On avance. Il peut avancer avec des questions, non, là. Frère, Haché, tu voulais parler? Oui. En fait, c'était parler dans le sens peut-être d'une question, je ne sais pas. Parce que vous avez dit, est-ce que justement, il ne priait pas parce que Jésus, étant Dieu, qui s'est fait chair, vous avez dit qu'il n'avait pas tout le temps la plénitude de, comment on dit, je ne sais pas comment exprimer ça, la plénitude de sa divinité. Est-ce que c'est pour ça, justement, à un moment qu'il fallait passer peut-être en prière dans une autre dimension pour pouvoir intercéder, je ne sais pas, c'est une question. D'ailleurs, au moment où il a, au moment où son Dieu diminue à l'intérieur un peu, quoi. Non, non, pas forcément. Vous dites qu'étant chair, il ne pouvait pas exprimer sa plénitude, en fait. Je ne sais pas. Écoutez, toutes ces expressions humaines dont on parle de Jésus, c'est pour montrer effectivement comment tout sous le soleil, particulièrement la condition humaine, est soumise à la vanité. Et donc la Bible déclare dans le livre d'Hébreux que puisque les fils ont part au sang et à la chair, il y a lui-même participé afin de délivrer les gens qui étaient à l'intérieur. Donc il a été sous les angoisses comme nous autres nous avons été. Et il veut vous montrer par là que dans toutes ces angoisses, il y a quelqu'un qui a son micro, je crois que c'est Sandra. Pour nous montrer que sous les angoisses que nous avons sur la terre ici, voilà comment il faut vivre. Voilà pourquoi étant dans sa chair, il priait, il jeûnait pour nous montrer que voilà comment lutter contre ces choses-là. Vous voyez, et la seule différence entre lui et nous, c'est que lui n'a jamais commis le péché. Donc vous ne pouvez pas. Bon, de toute façon, allons-y. Dans Jean chapitre 14, verset 28, maintenant, lisons cela et puis je vais vous poser la question. Je lis Jean chapitre 14, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Allons-y maintenant, regardez-moi. Première chose, qu'est-ce qu'il en a dit par « je vais au Père » Pourtant, le verset 10, il nous a dit tout à l'heure que le Père demeure en lui. Vous voyez, ces choses-ci là, ces choses-ci, parce que le volet suivant dit que le père, car le père est plus grand que moi. Ce père qu'il dit qu'il est plus grand que lui, il faut comprendre l'expression, il dit qu'il demeure en lui. Tout à l'heure, il venait de dire qu'il demeure en lui. Ce n'est pas un chapitre plus tard, c'est là, c'est dans la suite de la continuation. Où il dit, Philippe lui pose la question, montre-nous le père, et cela lui suffit. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. C'est le père qui en a parlé là. D'accord? Puis il dit que le père demeure en lui. Et ici, il dit qu'il s'en va au père. Qu'est-ce qu'il en a dit? Que veut dire? Je m'en vais au père. Qu'est-ce qu'il en a voulu dire? Je m'en vais au père. Et il dit qu'il faut que les gens se réjouissent, qu'ils s'en aillent au père. Qu'est-ce que le Seigneur en a dit là? Il nous dit qu'il quitte sa condition humaine. La condition de fils, il faut qu'il quitte. Parce que dans la condition de fils, c'est limité pour une bonne période. Alors que le père a la domination sur toutes choses, dans la condition du père. Donc c'est intéressant qu'il soit plutôt là-bas pour fonctionner. Viri Châtillon, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Vous voyez? Il faut qu'il quitte la condition de fils. Parce que le fils n'est pas éternel, c'est le père qui est éternel. Vous comprenez, n'est-ce pas? La position du père. Enfin, un père est plus grand que son fils. C'est tout naturel, pas vrai? Un père est plus grand que son fils, naturellement. Un père est plus grand que son fils. Donc, ça le père est plus grand que moi. C'est dans la position du fils, la position du père est toujours plus grande que la condition du fils. Oui, ma soeur Ophélie, vas-y. Oui, mais ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que si il doit retourner au père, parce qu'il doit quitter justement sa condition de fils pour pouvoir entrer justement dans la plénitude et tout. Mais du coup, qui était là au début du commencement, parce qu'on peut bien comprendre en fait que Jésus-Christ était là déjà depuis la fondation du monde aussi, mais dans la Bible en fait c'est bien marqué que c'est seulement le Père en fait qui était là en fait au début de la création. Mais en fait, est-ce que Dieu fait exprès en fait de nous faire casser la tête comme ça, ou je comprends pas en fait, parce qu'il y a le même problème aussi par rapport au Saint-Esprit où David aussi dit l'Esprit Saint est dans la Bible. Il faut attendre que le Nouveau Testament pour entendre parler du Saint-Esprit, en fait. Donc, c'est vraiment. Moi, je me suis posé aussi cette question pendant cette semaine. Je me casse la tête depuis la première fois. Donc, vous voyez effectivement que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Et c'est toujours lui encore, vous venez de parler là. Frère Junior. Oui. Est-ce que ça veut donc dire que, en fait, tout simplement pour faire Béaba, donc Jésus, c'est Dieu qui s'est rendu homme, tout simplement. 2 Corinthiens chapitre 5. Pour faire Béaba. Comme ça, on va bien lire cela, bien écrit. 2 Corinthiens chapitre 5. C'est 2 Corinthiens. Chapitre 5. Quand vous allez finir de lire, là, on va aller quelque part, on va lire quelque chose d'amusant. Dès que vous êtes à 2 Corinthiens, vous me dites, il vous donne le verset. Vous y êtes? Oui. Oui. Le verset 19. Personne ne veut lire là. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc on dit que comment Dieu a réconcilié le monde, comment? Mettant en nous la parole. Comment il a fait? Il a fait en entrant, c'est ce que la sœur André a dit, en entrant dans le corps de Christ, dans le corps de cette enveloppe-là qu'on appelait Christ. Le nom qu'il portait, c'est le nom Jésus, c'est le nom qu'il a pris sur la terre. Dieu était en Christ, Dieu s'est fait chair. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué. Dieu a pris une apparence humaine pour délivrer les hommes ses fils qui étaient dans sa même apparence pour les faire revenir dans le cadre de l'esprit. Allons dans Hébreux chapitre 2. Donc, Béaba, Dieu est entré dans un corps humain pour sauver les gens, ses fils qui étaient dans le corps humain. Hébreux, vous y êtes? verset, chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. À ce qu'il est là. Oui, je suis là. Que le Seigneur bénisse. Donc, Hébreux chapitre 2, donc, verset 9 à 14. Hébreux 2, verset 9 à 14. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qu'il voulait et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée et encore, je me confierai en toi et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Fin de citation. Voilà le pourquoi il est venu dans la chair. Parce que les enfants ont eu part à la chair. Alors là, s'il a eu part à la chair, il est quitté de quelque part. Comme il a dit que je suis venu de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Sorti de Dieu. Ah mon Dieu. 1 Timothée, prenez 1 Timothée chapitre 6. Sorti de Dieu, vous parlez. Il dit, ces choses, si vous allez suivre dans Allemagne, dans la sainteté, dans l'une des... C'est pas où on en a parlé là-bas. J'ai fait tout pour ne pas glisser dans cet enseignement pour que vous ayez le temps de suivre là-bas. Ah, Junior. Oui. Excuse-moi, je voulais donc savoir. Très bien. Donc, ça veut dire que quand Jésus, donc, Dieu qui s'est fait chair, donc Jésus... était sur terre quand il priait pour moi. Maintenant, quand il faut donc prier, quand on dit au nom de Jésus, on prie le Père au nom de Jésus, là, j'ai vraiment pas compris. Non, je n'en ai même pas parlé. Je vous ai posé la question si vous comprenez ce que vous faites en réalité. Donc, j'arrive là-dessus. C'est tout un enseignement là-bas. Parce que ce n'est pas seulement en disant que Seigneur, au nom de Jésus, Amen. C'est pas seulement cela. D'accord? C'est pas ce que ça veut dire. Ça, c'est sur le plan littéral, c'est ça, ce que vous lisez. Mais dans l'esprit, c'est pas ça. Continuons dans ce livre de... Il dit quel livre déjà, même déjà? 1 Timothée, chapitre 6. Merci, mon frère. Si vous êtes là, lisez déjà le verset 16 et suivant. Chapitre 6 de 1 Timothée. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Prends-nous à partir du verset 15 jusqu'à, avant de descendre, pour qu'on y voit là-bas. À partir du verset 15, je crois que même c'est avant. Hein. On dit que manifestera, en son temps. Prenez à partir du verset où le bout commence. D'accord, où ça commence, pour que vous saisissiez ce qu'on dit. Bon, je te recommande. Je te recommande devant Dieu, lis à partir de là. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle concession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans repos jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Maintenant, recommande. Non, c'est bon. Première chose, il dit qu'il recommande Timothée de vivre sans tâche, sans repos jusqu'à l'apparition de qui? Le roi des rois, le souverain, le bienheureux. Faire attention parce que je veux poser des questions maintenant. notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, continue comme ça là. Oui, continue. Qui est le roi des rois? Le Seigneur Jésus-Christ. Ok, qui, Jésus-Christ. Qui est le bienheureux? C'est toujours lui. C'est lui. Bon, maintenant, regardez encore le verset 14. Et de vivre sans tâche, sans repos, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux. Donc le bienheureux va manifester qui? Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Comment vous bougez seulement la tête comme ça, comme le lézard sur le soleil? Vous êtes d'accord ou non? Regardez encore le verset 14. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc son nom est donné, n'est-ce pas? De notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux. Le bienheureux, c'est qui ici? La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère. Alors, qui est le bienheureux? Si on parle de sa seconde venue, non? C'est la question que je viens de poser. Je pose la question, qui est le bienheureux ici? C'est Jésus. Jésus, c'est le Père, ici, dans ce contexte. Il s'agit de qui, Richard? Ici, il s'agit du Père. Ok. Et seul souverain, c'est qui ici? Et c'est la même personne, mais comme c'est le Père... Parce que Jésus allait au Père, donc en ce moment, il parle du Père. Après, quand il reviendra, ça sera Jésus physique. Le roi des rois, c'est qui? Jésus. Non, laissez Guilicha parler, c'est à lui qui est en train de parler. Parce que la personne qui est le bienheureux, c'est la même personne qui est le seul souverain, c'est la même personne qui est le roi des rois et qui est le Seigneur ici, n'est-ce pas? Dans ce passage, chapitre verset 15. Oui, c'est la même personne. Donc, on recommence encore. Qui est le bienheureux? Bon, c'est Jésus. Mais tout à l'heure, tu avais dit que c'était le Père. Non, en fait, je parlais en tant que fonction, en fait. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, comprenons le texte tel que c'est écrit d'abord. Parce que si on entre de fonction avec les attributs, c'est autre chose. Alors, la Bible déclare ici, verset 13 encore. Suivez très attentivement. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose. Dieu qui donne la vie à toute chose. Et devant Jésus-Christ. On voit clairement comment il présente deux personnes, n'est-ce pas? Vous voyez, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. En fait, l'apôtre Paul veut dire à Timothée, je te recommande de garder le commandement. C'est ce qu'il veut dire clairement dans ce verset. Maintenant, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il en a parlé de la manifestation que Jésus va encore venir, n'est-ce pas? Jusqu'à sa venue. Maintenant, on dit que cette venue-là, cela manifestait, il dit que manifestera en son temps, il peut dire le bienheureux. De qui est-ce qu'il parle? Jésus-Christ, toujours. Jésus-Christ. Seul souverain, c'est qui? Jésus-Christ. Continuez. Roi des rois, c'est qui? Je suis en train de lire là-dedans, suivez dans votre Bible. Jésus-Christ. Et le Seigneur des Seigneurs, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. La sœur Esther dit, et mettez-moi la main là-bas, que continue toujours, vous suivez vous, début. Continuez toujours comme ça là. Maintenant, le verset 16 maintenant dit que cette personne qui est bienheureux, roi des rois, seul souverain, Seigneur des Seigneurs, on dit lui seul, entourez le mot seul. Il veut vous dire quelque chose. Je veux bien que vous ayez ceci à l'esprit. Vous avez entouré seul, n'est-ce pas? On dit cette personne, c'est parce que les différentes appellations qu'on a données là, c'est pour une seule personne. Verset 16 dit, qui seul possède quoi? L'immortalité. Donc on dit cette personne de qui on a parlé, c'est lui seul qui possède quoi? L'immortalité. Ça c'est un. Qui est le chemin, la vérité et la vie? Qui est la résurrection? Jésus-Christ. Qui est la vie éternelle? Jésus-Christ. Vous savez que l'immortalité, c'est la vie éternelle, n'est-ce pas? Exactement. C'est ça, n'est-ce pas? On dit que cette personne, si elle est la seule qui possède l'immortalité. On continue. On continue. Allons-y. Et on dit que cette personne qui possède l'immortalité, c'est-à-dire qui possède la vie éternelle, il habite une lumière. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Et on dit donc que c'est à lui donc qu'appartient l'honneur, la gloire, la puissance éternelle. Amen. Amen. Maintenant, vous pouvez comprendre. Là, comment? Là, c'est Dieu. Finalement, ok, Dieu est à quel niveau ici? À lui appartient la puissance, la gloire. Mais non, non, on dit que c'est à celui-là qu'on appelle seul, celui qui est seul, qui possède l'immortalité. C'est à lui qu'on parle de gloire, puissance, honneur. C'est lui dont il est question. N'est-ce pas la sœur Ophélie? On parle de Dieu esprit. mais en fait, si je comprends très bien, c'est-à-dire il y a l'homme qui est chair, l'esprit de l'homme, et puis l'esprit de Dieu. Donc ça fait c'est la Trinité alors. Pardon? C'est la Trinité alors. Bon, c'est plus que la Trinité. Parce qu'il y a d'autres attributs qui s'ajoutent. Donc, les attributs font de lui sa nature, bien est-ce que les attributs diffèrent, fait que la nature de quelqu'un diffère? Bon, prenons un exemple simple. Le frère Pierre est commissaire de police, n'est-ce pas? Comme j'aime à le prendre comme exemple. Le frère Pierre. Tu es le frère, n'est-ce pas? Oui. Supposons que tu sois marié à une très belle sœur, qu'on appelle par exemple Gaël. Pour Gaël, tu es qui? Ça grésille un peu là. Tu peux répéter, s'il te plaît. La sœur Flora, c'est toi, c'est chez toi qui a résonance à cause de toi. La sœur Laura, coupe ton micro. Ça crie là, c'est quelqu'un a un micro ouvert. Alors là, le frère Pierre, tu m'entends? Oui, je t'entends bien là. Voilà, je disais donc, supposons que tu sois commissaire de police. Et tu es marié à une jeune soeur appelée Gaëlle. Et tu as un petit enfant appelé Mirabel. Pour Gaëlle, tu es qui? Je suis son mari. Son mari. Pour le frère Junior, tu es qui? Je suis le frère en Christ. Frère en Christ. Pour Mirabel, ta fille, tu es qui? Je suis le papa de Mirabel. Maintenant, si tu vois un bandit en route, tu tends ton pistolet. Qui allait l'arrêter? Le frère en Christ? Le mari ou bien le papa? S'il tend le pistolet, où? Sur le bandit. Il dit, monsieur, arrêtez-vous, halt. Là, il est le commissaire. C'est toi le commissaire, mon frère. Laisse le commissaire parler. Donc, quand tu as ton pistolet, tu vas dire que hey, mon commissaire, tu es le commissaire. Hein? Attends, qui tend le pistolet? Toi. C'est toi qui tends le pistolet sur le bandit. Oui. Mm-hmm. En ce temps-là, qui tend le pistolet? Le mari, le frère en Christ, ou bien qui? Le mari, c'est moi qui tends le pistolet. Ah, c'est le mari de Gaël. Non, c'est pas le mari, c'est le commissaire. Pardon, excuse-moi. C'est le commissaire qui tend le pistolet. Voilà, maintenant. Mais en même temps, le mari. Oui. Mais le mari de qui? Non, parce que, en fait, le mari. Eh bien. Parce qu'en fait, le commissaire a une vie familiale. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il joue son rôle de commissaire, il a aussi ce rôle de papa. Ce rôle d'époux aussi. Oui, devant le bandit, tu joues le rôle de papa ou bien d'époux? Je joue le rôle du commissaire. Du commissaire. Eh bien, dans ce cas, si ton épouse est en train d'aller accompagner l'enfant à l'école, en passant par là où tu as tendu le pistolet vers le bandit, et que l'enfant te dit bonjour papa, quand tu te tournes, tu dis bonjour, qui parle? C'est le papa ou c'est le commissaire? C'est le papa et le commissaire. Donc le papa... Le papa parle... Réponds tout simplement à la question, mon frère. Lorsque tu te tournes avec ton âme est pointée sur le bandit de l'autre côté et ton enfant dit, Mirabel dit, papa, bonjour. Quand tu te tournes vers l'enfant, qui est en train de parler à l'enfant? C'est le papa. Et quand la femme te dit, chérie, fais attention à toi, rentre sain et sauf à la maison. Tu dis, j'ai bien compris, chérie. Qui parle? C'est le mari. Et que moi, je les accompagne. Il dit que, frère, je suis passé à la maison, tu n'étais pas là. Quand tu dis, frère, je vais revenir après mon travail. Qui parle? C'est le frère en Christ. C'est le frère en Christ maintenant qui parle, n'est-ce pas? C'est le frère en Christ, oui. Donc, mais le vrai problème maintenant, c'est que à aucun des moments, tu n'as changé de nature. Non. Tu vois cela? Tu n'as pas changé de nature. Mais tu as changé de fonction sans que ta personne n'ait changé. Exactement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, lorsque tu te tournes pour parler à l'enfant, tu es dans une fonction. Lorsque tu te tournes pour parler à la femme, tu es dans une fonction. Lorsque tu te tournes pour parler au bandit, tu es dans une fonction. Lorsque tu te tournes pour parler au frère en Christ, tu es dans une fonction, mais étant la même personne. Tu vois ça, frère? Là, maintenant, Amen. Ça, c'est un être humain limité qui peut attribuer, qui peut faire toutes plusieurs fonctions en restant le même individu. Bon, maintenant, celui qui est donc infini, que pensez-vous de lui? Il peut faire au-delà. Ésaïe chapitre 6. Gardez-vous à l'esprit 1 Timothée chapitre 5, chapitre 6. Là, cette personne qui habite, il a une lumière inaccessible dont on a parlé comme étant le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et qu'il habite une lumière inaccessible que l'œil n'a vue et ne peut voir. À lui soit la gloire, l'honneur. Amen. Donc, Ésaïe chapitre 6, Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. C'est sa révélation. Donc, frère Pierre, tu vois effectivement que, en réalité, toi qui te tiens dans une tenue avec 4 étoiles pour pouvoir faire cette mission-là, tu es en tant que commissaire. Lorsque tu fais la faute dans ta fonction, ne te condamne pas. Si ta femme vient au commissariat, on dit, ah non, non, laissez mon mari, n'a rien fait. On a dit, madame, on n'a pas arrêté ton mari, c'est le commissaire dont on a arrêté. Mais pourtant, tu vois que c'est la personne du commissaire qu'on a arrêté. En tant que chef de famille, c'est autre personnalité. Tu vois ça? Si en de temps, maintenant, tu as hérité de ton père, tu es chef de famille, tu peux pas t'asseoir là-bas, tu ne peux pas dire dans la salle, que dans la salle de la famille, que taisez-vous ici, je suis le commissaire. Là, tu ne fais pas ça de commissaire. Ton commissariat, c'est au commissariat. Voilà. On peut y aller maintenant, verset 1 et suivant. Du chapitre 6 d'Ésaïe. L'année, allons-y. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très, très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplissait de fumée. La maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Stoppons là-bas. Ses yeux ont vu qui, frère? Le roi, l'éternel des armées. Qu'est-ce qu'il écrit, frère? Mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Il y a une virgule après roi, n'est-ce pas, frère? Il y a une virgule. Ah, mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Voilà, donc il a vu le roi. Et ce roi-là est qui? L'éternel des armées. Il parle de qui ici? Jésus est né sous Marie. Et là, c'est Esaïe, c'est 800 ans. C'est parce que après, nous sommes au chapitre 6. Au chapitre 7, qui va dire qu'un enfant va naître. Vous voyez Jésus là partout, mon cher. Il a vu Dieu. Le roi d'Israël. Voilà. Ok, maintenant. Donc, je vais encore recommencer. Le prophète Esaïe a vu qui ici, qui va le commissionner? Qui l'a commissionné? Dieu. Dieu. Ok. Maintenant, il dit que ses yeux ont vu qui? Le roi. Ses yeux ont vu Ok. Maintenant, ouvrez, gardez le doigt ici, on va y revenir. Jean chapitre 1, quelqu'un lit le verset 18 rapidement. Verset 18, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 18 seulement. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et en celui qui l'a fait connaître. Maintenant, lis maintenant de façon fluente. Fluently. Allô, Sandra, lis. Ah, d'accord. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Vous voyez les problèmes que nous avons dans la Bible, n'est-ce pas? Voilà les problèmes dans la Bible. Vous venez de lire dans, il y a cela 800 ans, Esaïe a dit qu'il avait vu qui? Il a vu le roi. Pourquoi Esaïe crie malheur, malheur à lui? Pourquoi, selon vous, pourquoi il a décrit malheur? Il a posé son regard. Parce qu'il a vu Dieu. Mais Jésus dit ici que quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Donc, ça veut dire qu'Esaïe a menti, alors? Non, il n'a pas menti, frère. Bon, quelqu'un a déjà vu Dieu, non? Oui, quelqu'un a déjà vu Dieu. Donc, c'est Jésus qui a menti. Non, Jésus n'a pas menti. Bon, qui c'est un aspect de Dieu que peut-être Esaïe a vu. C'est-à-dire quoi, mon frère? C'est-à-dire... c'est-à-dire l'ombre, pas l'ombre, en fait, c'est... la révélation de Jésus. Il y a deux aspects. Il y a deux aspects dans Jean chapitre 1 verset 18 là. Il y a voilà. Le fait que le Seigneur dit personne n'a jamais vu Dieu. Je veux qu'on commande d'abord, on va remarquer maintenant, on va dire le Fils unique. Et on va y revenir sur cela, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. Mais restons sur le fait qu'il dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais là, Esaïe a vu qui là? Esaïe a vu Dieu, mais ici, quand personne n'a jamais vu Dieu, on parle ici de Jésus-Christ qui était dans le Père. À cette époque-là, on ne l'avait pas encore révélé, en fait. Okay, maintenant, il n'était pas encore vu en chair. Là, il a vu donc qui? Il a vu le Père. Frère Guéry, tu es d'accord? La révélation de Jésus-Christ, c'est ce dimanche, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, Esaïe a vu qui? Le Père. Moi, je pense que dans Jean, il voulait dire, à la même vue de Dieu, il voulait dire, personne n'a jamais connu Dieu. Connu profondément, en fait. Mm-hmm. Comme le Fils et le Père ne sont qu'une seule personne. Oui. Bon, maintenant, le Père est esprit ou il n'est pas esprit? Le Père est esprit. Comment il porte la robe? C'est le fils, du coup, il a vu. On a un problème là. Comment mon frère Guilicha? Il a vu le fils. C'est le fils qu'il a vu. Et il a appelé l'Éternel des armées. N'est-ce pas? Attendez d'abord Guilicha. Attends Guilicha. Oui Guilicha, dis-nous, tu dis. Mais il n'avait pas encore la révélation du fils. Il a vu le fils, mais il n'a pas encore la révélation du fils. Mais il veut savoir, mais il dit qu'il a vu le roi, l'Éternel des armées. Qui est-ce qui s'appelle comme ça? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il s'appelle le roi. Mais dans la Bible, quand on parle de l'Éternel des armées, il s'agit de qui dans l'Ancien Testament? Dieu. Mais là, Esaïe donc l'a vu. Donc Esaïe donc l'a vu alors. Donc Esaïe l'a vu. Dieu le Père. Mais Esaïe ne savait pas, n'avait pas encore savait pas encore le Christ. Frère Yannick, tu as une question encore pour amplifier. Tu n'as pas encore répondu. On a des personnes qui se posent des questions ici. Donc répondons d'abord aux questions avant d'avancer. Je voulais savoir ce qui est à droite. Est-ce que depuis vous comprenez même où je sens de vous amener depuis? Non. Je sens de vous amener à la révélation de la personne qui est cachée dans la lumière. C'est la personne qui est cachée dans la lumière qu'on ne voit pas, mais qui s'est fait connaître. Donc il dit ici dans ce livre de Jean, chapitre 1, verset 18, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père. Alors, regardez dans ce verset 18 là, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Soulignez cette expression aussi, dans le sein du Père. Et puis, on en commente. C'est vraiment l'école aujourd'hui, frère Général. Oui, c'est pour ça qu'on parle doucement. C'est compliqué, on va doucement. Oui. Pour que chacun de nous, quand on était petit, qu'on puisse retenir l'alphabet A, B, C jusqu'à Z, c'était pas facile. Exactement. Maintenant, quand vous parlez de Dieu, chaque fois, vous pensez que vous parlez de qui au juste? Dieu. Dieu, là, c'est qui? Il est le Père. Il est le Père. Père, c'est parce qu'il a engendre, non? Quand il n'engendre pas, il est Père. Il est Père de quelqu'un, n'est-ce pas? Exactement. Quand il n'engendre pas encore, il est quoi? Il est esprit. Mais le voilà qui porte les habits là-bas. C'est sa bouche, c'est dans l'esprit, non? Donc sa robe, c'est une robe spirituelle. Puisque Esaïe dit là-bas qu'il a vu les pans de sa robe qui remplissait le temple. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Ok, on y va. Il y a une voiture qui passe près de la maison de quelqu'un là-bas. Voilà. J'ai dit quel livre? J'ai donné quel livre là maintenant? Vous savez, c'est ça. Non, là, on est encore dans Jean. Dans Jean, chapitre 18. Jean, chapitre 1, verset 18. Bon, j'ai demandé que vous souligniez l'expression là. Le Fils unique, le fils unique est dans le sein du Père. Oui, dites-nous, quand vous entendez dans le sein du Père, vous pensez quoi? C'est pour ça qu'il vous pose la question par rapport au Père. Il n'est pas encore manifesté. On pose la question, bien on répond là. Parce que genre, il pose une question, il entend plutôt une autre question qui m'est posée. Ça, c'est avant son arrivée. Avant son arrivée en tant que chef. Mais là, il ne dit pas que il n'a pas dit le Fils unique qui était dans le sein du Père. Il dit qui est dans le sein du Père. Oui, parce qu'il vient du Père. Il vient du sein du Père pour exister sur la terre. Ok. Venu du sein du Père. C'est ça justement l'expression. Que veut dire du sein du Père? Quand vous entendez sein du Père, qu'est-ce qu'il a dit de dire? Oui, la sœur Esther. Alors, avec les choses que j'ai dit tout à l'heure, le frère était en même temps commissaire, père, époux. Le fait qu'il soit époux, en lui se cachait la fonction de père qui s'est manifestée quand il a eu un enfant. Ah, applaudissons pour notre sœur. Alors, on applaudit pour elle. Non, là, c'est très bien ça, ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Voilà en clair, en somme, voilà donc en somme la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est la manifestation des différentes fonctions de Dieu. En fait, tu as résumé, je ne sais pas, peut-être où est l'onction qui est venue sur toi. Toi-même, tu es surpris encore de cela. la soeur Esther, elle a fini de dire ce qu'elle est bien maintenant. Elle-même, elle est surprise de ce qu'elle a dit. Donc, vous voyez que la fonction de cette personne s'est cachée en elle, mais c'est une même personne. Le Père est dans le Fils. Le Père est dans le Fils. Le Fils est dans le Père. La personne qui joue la fonction de Père, c'est la même personne. La fonction est là. Donc, ça se manifeste tout simplement. Donc, vous voyez qu'il y a une personne qui a des fonctions. Si ces choses sont claires, vous n'aurez plus de problème dans la Bible. Si c'est clair dans votre esprit que les fonctions sont différentes de la personne. Et regardez bien. J'ai remarqué très bien qu'il ne parle pas des personnes. Parce que des personnes sont différentes. S'il dit des personnes, ça montre que c'est plusieurs. Pourtant, je parlais plutôt des fonctions au pluriel. Mais je parle des personnes au singulier. Les fonctions sont différentes de la personne. Donc, il ne faut pas confondre la personne au différentes fonctions que manifeste cette personne. Vous avez saisi maintenant, n'est-ce pas, frère? Chapitre 3 de Jean, le verset 13. Allons-y. C'est que Dieu te bénisse. C'est toi qui as donné la connaissance de la révélation du Seigneur Jésus. La sœur Julie est connectée. Il y a le frère, ton mari est connecté sur le même chose, sur le même. C'est pour ça qu'il y a écrit. Je vais voir. Il y a deux appareils sur lesquels tu es connecté. Donc ça montre deux appareils. Il y a deux choses. Alors. Quel livre j'ai dit là, même vous m'embrouillez au ce dimanche. Jean chapitre 3. Ben non, voilà, verset 13 du Jean chapitre 3. Lis alors le frère Pierre. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ok, je pose donc la question une fois de plus. Vous avez bien suivi tout le monde, vous avez lu. Le Seigneur Jésus-Christ donne encore une autre affirmation. Au chapitre 1, verset 18, il a dit quelque chose pour le cas de voir Dieu. Ici, il parle pour le cas de monter au ciel. Je vais y revenir. Première chose, il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, virgule, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui est le Fils de l'homme? La Sainte Julie, débrouille chez toi. Vous êtes d'accord que le Fils de l'homme, c'est lui alors? Oui, c'est Jésus. À l'heure où il en est de parler, il se trouve où? En face de qui? Lorsque Jésus en est de prononcer ces paroles, il est en face de qui? De Nicodème. De Nicodème, justement. Et à cet instant qu'il en est parlé, il dit que qui est dans le ciel? Lui-même. C'est écrit dans ce verset-là qu'il se trouve au ciel alors qu'il en est parlé avec Nicodème. Oui. Remarquez qu'il n'est pas dit le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Qui était au ciel. Il dit que le Fils de l'homme qui est au ciel, n'est-ce pas? Oui. Là, il en est parlé de qui? Puisque au chapitre 14, il va dire que le Père demeure en lui. Il pourrait être en même temps sur terre et être dans le ciel. Ok, maintenant. Ça veut dire qu'au ciel, il peut en train de causer avec l'ange Gabriel pendant que sur la terre, il en train de parler avec Nicodème. N'est-ce pas, mon frère? Exactement. Parce qu'il n'est pas limité. Vous vous soumettez. Ça montre dans l'omniprésence de Dieu. Vous souvenez donc de Apocalypse chapitre 5, la personne qui venait prendre le livre entre les mains de la personne qui était assise sur le trône? Voilà. Et bien, dans ce cas, pourquoi vous avez dit que c'était deux personnes alors? D'accord. Si vous parvenez à comprendre donc, ici, qui se trouvait en bas, ici, André Kosev et Nicodème, et que vous admettez qu'au ciel, on a de lui rendre gloire en ce moment-là. Comme certaines personnes pensent qu'il a vidé le trône, il a quitté le trône, il n'y avait plus personne sur le trône-là. Donc, quand il a quitté le trône, il a laissé le trône vide. Un ange pouvait venir s'asseoir plus sur le trône que Yusuf Dieu. C'est ça? Petit à petit, vous allez le comprendre déjà doucement, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans cette phrase-ci de verset 13 des gens, il dit « Personne n'est monté au ciel ». Là, je vous pose une question. Où est-ce que Élie se trouve, le prophète? Au ciel. Dont Jésus ment. Dont Jésus ment. Je pense que c'était avant sa mort physique. Jésus dit là que personne n'est monté au ciel. Il a dit, quand il a dit parler à Nicodème, Élie était là monté depuis, non? Est-ce qu'Élie est mort? Élie, c'était également une représentation de Dieu. Donc, il n'était pas physique alors? Non, c'était comme également Dieu fait chair. Bon, je pose la question. Il y avait un monsieur qu'on appelait Élie le Tichit physiquement, qui marchait, il mangeait, il pleurait. Mm-hmm. Et y avait-il un homme? Okay, maintenant, il est où? Allez où Jésus parle. Il est au ciel. Comment il avait un dos. Comment? Il avait un dos. Pour aller où? Au ciel. Je ne sais pas que le ciel est segmenté, frère. C'est divisé. Ah ah! Ok, maintenant, donc de quoi Jésus parle ici dans ces gens? Vous voyez, tout quand il parle, tous ces parallélismes-là, c'est pour vous faire pousser au questionnement pour que vous compreniez ce qu'il en est. Sinon, quand les gens ne comprennent pas, ils vont dire qu'il y a une contradiction. Vous voyez? Parce qu'ici, Jésus dit. Initialement, on a vu dans Jean chapitre 1, verset 18, il a dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » On a vu Abraham qui est venu devant lui parce qu'ils ont causé ensemble. Il a dit que, est-ce qu'il veut cacher quelque chose à Abraham? C'est pas lui qui parlait. Si. On a vu au chapitre 28, comment il a bagarré parce que Jacob l'a boxé bien comme ça. Il a compris que c'était fort, il voulait partir. Jacob l'a arrêté. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas? Oui. Exactement. Et plusieurs fois, il a apparu. À Gédéon, il a apparu, cette tenue-là. Il a dit que vaillant héros, pas vrai? Exactement. Alors, ici, il vient se tenir là, il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Il dit maintenant que personne n'est monté au ciel, que celui qui est descendu du ciel. Ce n'est que lui qui est monté du ciel. Alors, nous avons Enoch qui a été enlevé. Nous avons Élie qui a été enlevé. Il se trouve donc où? Vous voyez que le problème qu'il a de parler, c'est le ciel dont il est en train de parler, ce n'est pas le même ciel où les gens là se trouvent, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Ça veut dire que vous comprenez donc la Bible à cette instance. Vous comprenez bien, bien et bien la Bible. C'est ça le problème. Donc, ça veut dire que lorsqu'on se trouve dans la dimension du Seigneur, il faut qu'on arrive au niveau de sa compréhension à lui. Sa compréhension. Si nous amenons nos compréhensions dans ces choses, sans qu'elles ne soient pas sa compréhension à lui, nous aurons des problèmes. Nous aurons des problèmes. Exode chapitre 33. Allons-y, on va lire quelque chose d'amusant là maintenant. Exode, merci Père. Merci Père. Mes frères, je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Souvenez-vous, la personne qui possède l'immortalité. Souvenez-vous, on va y arriver, c'est pas terminé là. La personne qui possède l'immortalité, qui habite une lumière quoi? Inaccessible. Que l'œil n'a vu ni ne peut voir. Voilà les règles. Cette lumière là, un, c'est inaccessible. Deux, l'œil ne peut voir, n'a jamais vu et ne peut voir. N'est-ce pas? Parlez. Amen. Exactement. Parlez. Amen. Vous parlez de Bible. Exode chapitre 33. La France dans la sainteté, bonjour. Exode chapitre 33, verset 12 au verset 23, c'est-à-dire le dernier verset. On lit vraiment doucement. Je crois que qui n'a pas de bruit chez lui, pour qu'il puisse, la personne puisse lire. Quand Sandra lit, on n'entend pas bien parce qu'elle est dans une pièce où il y a l'écho. L'écho résonne là-bas. Qui va lire? Quand le prophète Guérisha lit, c'est la même chose. Donc, qui va lire? C'est ça qui va lire dans le nom de Jésus. Allons-y. Lis-nous dans le nom de Jésus. Allons-y. Qui ça? Celle qui lit dans le nom de Jésus. Ah, nous lisons dans le nom de Jésus. Ah ben voilà, lis-nous ça alors. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais, Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne fais pas partie d'ici, La sœur, si tu nous entends, arrête la lecture. La correction n'est pas bonne chez toi. Ça se coupe là. Le frère Yannick, non, je crois que Yannick a disparu là. Le frère Achille, est-ce que tu peux lire? Tu lis doucement parce qu'il va te couper de temps en temps. Merci, ma sœur. Ok, donc je vais reprendre Exode 33 à partir du verset 12. Oui. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Stoppons là-bas. Maintenant. Stoppons. Moïse donne un renseignement ici quand il cause avec Dieu. Et Dieu lui a dit, je te connais par ton nom. Dites-moi, quel est le nom de la personne sur la terre que Dieu ne connaît pas? Vous connaissez quelqu'un sur la terre que Dieu ne connaît pas, dont le Dieu ne connaît pas le nom? Non. Donc son nom est caché devant le Seigneur, que Dieu ne connaît pas son nom. Non. Ou mieux encore, y a-t-il quelque chose dans l'existence dont Dieu ne connaît pas son appellation? Non. Mes frères, nous avons un problème avec la Bible. Alors, qu'est-ce que Moïse en train de dire pas? Que Dieu lui a donné le renseignement que je ne te connais pas ton nom. Qu'est-ce que Dieu, lui, il comprend pas, qu'il n'entend pas, je ne te connais pas ton nom. Vous voyez les problèmes de la Bible, n'est-ce pas, frère? Qui reconnaît ici que Moïse est son fils? Bon, continuons ici là. Donc c'est ça, je ne reconnais pas ton nom. Continue la lecture, frère. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Stoppons là-bas, mon frère. Stoppons d'abord. La sœur Yolande, nous sommes dans Exode chapitre 33. Bienvenue encore. Tu as été interrompu là tout à l'heure. Nous sommes dans Exode chapitre 33. Nous sommes dans le verset 12 au verset 23. Toujours pour la révélation de Seigneur. La sœur Sandra, coupe ton micro. Voilà. Coupe ton micro, la sœur Sandra. Alors, donc nous sommes dans Exode chapitre 13, chapitre 33, verset 12 à 23. Donc mon frère, le verset 1, Moïse pose la question à Dieu, que tu ne me fais pas connaître la personne qui va marcher avec moi pour accompagner ce peuple-là sur le lieu de repos. Le verset 14, Dieu lui-même répond que c'est lui qui va marcher devant lui, avec lui, n'est-ce pas? Gardez bien cela à l'esprit. Continuons la lecture maintenant. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Donc, c'est vraiment dit qu'on s'attend à ce que la personne qui marche avec Moïse soit Dieu. Exactement. Continuons la lecture. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Stoppons là-bas. L'Éternel dit. Non, doucement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai posé la question par rapport à l'expression quand Dieu dit, je ne te connais pas ton nom. Ça, il a son explication, il a la compréhension de ce que lui, il est en train de dire. Par exemple, tout le monde, Dieu connaît toutes choses. Mais Dieu dit ici à Moïse, je ne te connais pas ton nom. Donc, il faut... Je ne te connais pas ton nom a une explication, a une signification, ce que Dieu lui dit, par la compréhension que nous avons. Ici, maintenant, le verset 18, Moïse pose la question, de faire une requête à Dieu, il dit, fais ma voix quoi? Ta gloire. Je vous pose la question, selon vous, vous pensez que Moïse a de chercher quoi? Qu'est-ce qu'il a de demander? Quelle est la requête là? Quelle est cette requête qu'il cherche? Il cherche le nom de Dieu. Il cherche quoi? Le nom de Dieu. Non, il n'a pas dit fais-moi connaître ton nom. Il a dit fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce qu'il allait lui demander? Fais-moi voir ta puissance. Non, c'est pour la puissance, il avait la développé depuis l'Égypte. Il connaissait cela. La révélation, peut-être. De quoi, mon frère Guy Richard? Révèle-toi. Peut-être c'est ce qu'il voulait dire. Révèle-toi à moi. Ici, Moïse montait sur la montagne, il causait avec Dieu, n'est-ce pas? Au chapitre 32, il est monté dans la lumière, il est resté là-bas dans la nuit, au point qu'il est descendu, son visage brillait, n'est-ce pas? Dans cette lumière-là, il est entré là-bas. La Bible déclare qu'il causait avec lui, il durait avec lui, causait. C'est même le doigt de Dieu qui a écrit le commandement au chapitre 32, verset 16, que c'est son doigt même qui écrivait, n'est-ce pas? Ici, Moïse dit que Dieu lui fasse voir quoi? Et même quand il causait avec Dieu, la Bible dit que c'est pas une représentation, en fait, Dieu, enfin, c'est toujours pas une représentation que Dieu se présente à lui. Gardez le doigt là-bas, allons dans Hébreu, chapitre 1 encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Hébreu. Vous êtes à Hébreu, chapitre 1. Quel verset? Verset 2 et 3. Qui va l'en lire? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le relief de sa gloire, et l'empreinte de sa personne. Qui est le reflet de sa gloire? Jésus-Christ. Qu'est-ce que Moïse cherche? Nous rentrons dans Exode chapitre 33. Moïse, qu'est-ce que Moïse demande comme requête à Dieu? C'est la révélation de Jésus. Hébreu, chapitre 11. Pendant qu'on a parlé, quelque chose est venu là. Je vais voir ça également moi aussi. Permettez-moi aussi d'ouvrir cette fois-ci maintenant la Bible. Hébreu, chapitre 11. Waouh! Vous y êtes? Vous y êtes? Nous y sommes. Hébreu chapitre 11. Lisons les versets 24, 25 et 26. Hébreu chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alors maintenant, regardez-moi maintenant dans les yeux. Je vais vous parler. Vous savez ce qui s'est passé en Moïse pour qu'il quitte l'Égypte d'après la Bible? Mes frères, vous ne voulez plus parler. Vous êtes fatigué de la révélation de Jésus-Christ. On est dépassé. Pas fatigué. Regardez le verset 26 de ce chapitre 11 encore. Regardez le verset 26. Qu'est-ce que ça dit? Regardant le propre de Christ. Comment? Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Là, on se trouve dans un vrai problème ici. C'est Moïse qui va venir plus tard pour avoir les livres qu'on va écrire. Là, il n'y a pas de livres. Ils grandissent dans le palais. on parle déjà là de Christ, qu'il voyait le propre de Christ comme une richesse plus grande. Je vais que vous m'expliquiez comment il voyait le propre de Christ. Qui lui avait parlé de Christ? Puisque c'est par lui que les livres vont commencer à être écrits, n'est-ce pas? Exactement. Alors je pose donc la question. Celui-ci, qu'est-ce que la Bible déclare verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc en ce temps-là, il voyait les choses de Christ, n'est-ce pas? Comment ça s'est passé? Vous avez posé la question. Il a eu la révélation. La révélation. C'est pour ça qu'on a dit que ce n'est pas la foi qu'il a eu cela. Maintenant, rentrons dans le chapitre 33 d'Exode. Je ne sais pas si vous me comprenez jusque-là, vous me saisissez. Rentrons au chapitre 33 et voyons ce qu'il a dit. Donc, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 1 que... Je vais vous tourner la page là, alors. Sinon... La Bible déclare dans Hébreux chapitre 1, dans ce verset 3 là, que Christ est le reflet, le Fils est le reflet de sa gloire. La sœur Sandra, ferme ton micro. Il y a des bruits chez toi. Donc on dit donc, le Fils est le reflet de sa gloire. Donc le Seigneur Jésus est la gloire de Dieu. Exode chapitre 33, verset 18. Allons-y, lisons. Donc vous comprenez donc, malgré que Moïse était en mission, il souhaitait connaître cette personne-ci. Et donc, Jésus, et la Bible dit, Jésus a dit, plusieurs prophètes ont souhaité voir ce que vous voyez. N'est-ce pas, frère? Exactement. C'est de ça dont il est question. Et l'apôtre Pierre dit que les prophètes qui ont prophétisé à la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut-là l'objet de leur investigation. Vous voyez? Il dit, voulant sonder l'époque marquée par l'Esprit de Christ, l'époque marquée par l'Esprit de Christ qui était en eux, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, qu'ils étaient seulement les dispensateurs de ces choses-là maintenant qui nous sont échues maintenant. Verset 18 encore dit quoi au chapitre 33? Donc regardez très attentivement la question de Moïse, la requête de Moïse. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Donc, si je comprends très bien, il était en train de réclamer Jésus, quoi, en fait. Exactement. Le problème, c'est que Jésus, c'est le nom que vous avez sur la terre, c'est le nom qu'il a pris sous le soleil. Il voulait voir le corps du Messie. Okay. OK. Maintenant, donc, le corps du Messie, c'est le reflet de sa gloire. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est glorieux parce qu'il n'a pas d'aspect pour nous plaire, quoi que ce soit. Ce n'est pas ça dont il est question. Il veut voir la personne qui est venue. La personne. Il savait très bien que Moïse, Dieu lui donne des choses. S'il demande pourquoi Dieu lui donne. Mais maintenant, en tout cas, de toute façon, lisons la suite du verset 19 par rapport à sa requête et voyons ce qui va arriver. Allons-y. Ok. Verset 19. L'Éternel répondit : Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Stop. Non, frère, doucement. On a des grandes choses à voir ce matin-ci. Maintenant, lis le verset 18, puis tu lis directement le verset 20. Allons-y encore. Verset 18 et verset 20. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voilà. Donc voilà la réponse à la question, à la requête, d'accord? La réponse à la requête, la requête qui est positionnée au verset 18, la réponse se trouve au verset 20. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, ok, tu ne pourras pas voir ma face. Or, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Ah, mon frère, c'est merveilleux. Vous êtes prêts? Sommes prêts, frère, 100%. Gardons les mains ici. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Deux Corinthiens, chapitre 4. Dès que vous êtes, il vous donne le verset. on est. Verset 6, qu'est-ce que ça dit? De Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ouh! Ouh, il peut courir là maintenant. Maintenant, relisons encore doucement. L'apôtre Paul cite ici Genèse chapitre 1, le verset 3, où il est dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit que Dieu qui a dit cela a effectivement fait briller la lumière dans nos cœurs. Vous voyez cela? C'est comme ça la révélation. Maintenant, il dit, le but de cette lumière que Dieu fait briller dans nos cœurs, ça a un but. Le but, c'est de faire quoi? Resplendir. La connaissance. Oui. De la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, si ça ne se passe pas en toi, vous allez beau monter, vous allez lire Jésus, lire Dieu dans la Bible, vous allez voir deux personnes. Regardez ce qui est écrit là. Il dit que quand cette lumière-là est sur le cœur, quand ça vient sur votre cœur, ça va faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu. Vous allez connaître ce que c'est que la gloire de Dieu. Vous allez voir ça sur la face de Christ. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'homme ne peut pas voir et vivre. Vous voyez cela? Tu ne pourras pas voir mon visage. Le Fils, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Donc on peut le voir maintenant au travers de lui. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il dit, si cette lumière-ci brille dans vos cœurs, c'est le but de cette lumière-là, c'est pour faire resplendir. Quand on dit resplendir, c'est pour mettre en lumière la clarté de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est-à-dire que si cette lumière brille dans votre cœur, ce que Moïse cherchait là, vous le voyez clairement. Et pourquoi Dieu lui dit que personne ne peut voir sa face et vivre? Vraiment, hein? Vous voulez le voir dans cet état-là? Parce qu'il est saint. Mais il a sanctifié maintenant le peuple. Qu'est-ce que le peuple peut faire? Il pêche. Devant le trône, là, quand on sera devant le trône, on ne doit pas le voir. On sera. On le verra. Okay. On aura notre corps corruptible. Il n'a pas dit donc que personne ne peut jamais le voir. D'accord? Parce que dans l'état qu'ils étaient là, on ne pourrait pas le voir comme ça. Mm-hmm. Mais il y a les gens maintenant que Dieu peut promener jusqu'à entrer même dans son sein pour qu'ils puissent voir. D'accord, mes chers frères? Gardez-vous à l'esprit que ici se trouve une époque bien déterminée où il n'y a pas quelque chose. La chose à faire, c'est loin devant. Il ne leur a pas été révélé de connaître certaines choses dans cette époque-là. Maintenant, écoutez encore très attentivement. Moïse pose la question, fais-moi voir ta gloire. Et si la Bible déclare dans 2 Corinthiens 4, verset 6, que si le Seigneur fait la lumière qu'il a dit, que la lumière soit. J'arrive avec la lumière. Gardez le mot lumière dans la tête pour que vous sachiez de quoi il est question encore. Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Je crois qu'on a été coupé là, la lumière. Quand il parle de la lumière, on coupe la lumière. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Si vous m'entendez, je crois qu'on a coupé la lumière ici. Vous m'entendez? Allô, la France dans la sainteté. Je vais sur ton sol. Reçois, oh Dieu.